Bon, le titre de la session ce matin, c'est « Intersectionnalité ou marxisme ?» Ou plus général, « Comment lutter contre toutes les oppressions ?» Et je crois qu'ensemble, en commençant avec mon exposé, on va essayer de donner une réponse à la question « Qu'est-ce que l'intersectionnalité ?» Tout d'abord. En deuxième lieu, est-ce que l'intersectionnalité est un outil efficace pour lutter contre les oppressions? Et troisièmement, est-ce que l'intersectionnalité est compatible avec le marxisme? Ou même, on pourrait se poser une autre question, est-ce que l'intersectionnalité, je veux dire, est supérieure au marxisme, comme le prétendent certains théoriciens ou théoriciennes de l'intersectionnalité? Tout d'abord, je crois qu'il faut se rendre compte que depuis quelques années, on assiste à l'échelle mondiale à toute une série de révoltes, dans la société, de révoltes contre les effets causés par la crise du capitalisme. Les révoltes contre l'inégalité, les révoltes contre l'exploitation, les révoltes contre l'oppression, la révolte aussi contre la menace pas seulement de la pollution de la planète, mais même de la destruction de la planète aujourd'hui. On assiste à toute une série de mouvements qui s'opposent à ces symptômes de la crise du système. Et dans ces mouvements-là, ce qui est remarquable à ces mouvements-là, c'est qu'on voit surtout pas mal de jeunes participer à ces mouvements. Des jeunes qui, pour la première fois, participent à des mouvements, participent à l'action collective, se radicalisent à travers ces mouvements, mais en fait trouvent des idées qui, la plupart des cas, ne sont pas des idées marxistes. Pour la raison principale, c'est que le marxisme, à l'échelle mondiale, est encore une force très minoritaire dans la société, encore une force très minoritaire dans le mouvement ouvrier, et que les idées dominantes dans toute une série de ces nouveaux mouvements qu'on voit déferler un peu partout sur la planète, que ces idées-là se veulent parfois post-marxistes, ex-marxistes, anti-marxistes aussi, souvent. Mais souvent, ces idées-là, ou même se vêtissent des couleurs du marxisme, mais n'ont rien à voir avec le marxisme. On assiste, par exemple, aux États-Unis, on a vu le mouvement contre l'oppression et la violence policière contre les Noirs, dans le mouvement Black Lives Matter, on a vu une gigantesque manifestation déferlée sur Washington il y a un peu plus d'un an, une manifestation de femmes contre Trump lors de son inauguration. On voit aussi les dernières semaines en particulier, suite aux divulgations des actrices d'Hollywood, qui se plaignent enfin d'avoir maltraité, abusé, violé par les grands Manitou de l'industrie du cinéma comme Weinstein. Et ça provoque une identification à l'échelle mondiale, toute une série de femmes, de jeunes filles qui disent « Moi aussi, Me Too, j'ai été maltraité, je me suis laissé faire, je me laisserai plus faire. » Et naturellement aussi des réactions contre l'homophobie ambiante dans une série de pays, ou même un retour à des lois dans certains pays, à l'application de lois tout à fait rétrogrades, comme en Russie, sur la question de l'homosexualité, ou voire même de la violence conjugale, qui maintenant, à nouveau, en Russie, est devenue légale. Il est possible, autorisé, de battre sa femme en Russie. Vous ne risquez rien, sauf peut-être des félicitations de Poutine. La plupart des idées qui irriguent ces mouvements, comme je dis tout à l'heure, ne sont pas des idées marxistes. Une partie de ces idées-là s'identifie avec ce qu'appellent eux-mêmes l'intersectionnalité. Il faut souligner qu'une bonne partie de ces idées-là, c'est des camarades d'ailleurs me posaient cette question, pas seulement aujourd'hui, mais il y a quelques semaines ou quelques mois en Belgique, mais au fait, nous, on ne rencontre jamais ces idées. De quoi est-ce que tu parles quand tu parles d'intersectionnalité? je ne sais pas de quoi tu parles. Et on a dû expliquer à toute une série de camarades ce qu'était l'intersectionnalité, d'où venaient ces idées-là. Parce que je crois qu'une bonne partie de ces idées-là, ou la plupart de ces idées-là, viennent des milieux académiques et universitaires. On pourrait dire, bah oui, mais c'est pas... C'est vrai, dans notre international, depuis un an, deux, trois ans, ça, les universités sont un terrain privilégié d'intervention, de recrutement et de construction de notre organisation. Mais méfiez-vous, les idées qui naissent ou qui agissent ou qui bouillonnent dans les milieux académiques, tôt ou tard, percolent dans le reste du mouvement et arrivent dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical. Arrivent, comment ils arrivent dans le mouvement ouvrier, le mouvement syndical ? Par des universitaires qui sont invités dans des réunions de formation de délégués syndicaux, lors de séminaires d'études pour ouvriers, qui tout d'un coup font face à des académiciens, à des universitaires qui viennent leur expliquer ce qu'est l'intersectionnalité. Donc ces idées-là, d'une façon ou d'une autre, se retrouvent dans le mouvement ouvrier et se trouvent aussi auprès de militants ouvriers qui sont à la recherche d'idées pour lutter contre l'oppression, contre la recherche d'outils pour l'émancipation qui va au-delà de leur seule entreprise. Donc comment est-ce qu'on pourrait décrire ou résumer l'intersectionnalité ? En fait, l'intersectionnalité, c'est d'abord le constat de l'existence de multiples formes d'oppression qui se combinent dans une myriade de configurations qui représentent autant de barrières sociales et difficultés à unir ou à communiquer entre différents groupes. Vous allez me dire, mais c'est rien de neuf là. Le marxisme, ceux qui ont une petite connaissance du marxisme, ils disent, mais le marxisme a déjà parlé de ça, différentes formes d'oppression. Ben oui, mais on discutera vous dire tout à l'heure plus en détail. Mais la particularité de l'intersectionnalisme, c'est que elle va au-delà de simplement dire « il existe des multiples oppressions ». L'intersectionnalité ne dit pas seulement « oui, un ouvrier peut être aussi opprimé en tant que black, peut être opprimé par ses choix sexuels, une étudiante peut être aussi à l'université opprimée en tant que femme, en tant que lesbienne, ou aussi en tant qu'étudiante étrangère ». Ça, c'est les différentes configurations qui existent, et il en existe. Au plus qu'on lit à ce sujet-là, on est surpris de l'infinité d'oppressions, de combinaisons d'oppressions qui existent. La dernière, j'ai entendu, c'est pas une blague, je crois aux États-Unis, un gars qui est américain, états-unisien, mais qui revendique le droit de se sentir philippin. Et il y a quelque chose comme une transrace. Transsexualité, transrace. On peut sourire, c'est vrai, ça prête au sourire, mais en fait, une bonne partie de ces oppressions, ces combinaisons d'oppressions, font souffrir beaucoup de monde. Et notre attitude, on en discutera encore plus tard dans mon exposé, je crois, dans la discussion entre nous, c'est que notre attitude est d'une ouverture face à toutes ces personnes-là, c'est-à-dire qui souffrent dans leur oppression. Le marxisme, contrairement à toute série de ces mouvements-là qu'on voit développer depuis quelques années, essaye de rassembler les oppressions, évite de les traiter de façon isolée, l'une à côté de l'autre. Dans le marxisme, face à une première définition de l'intersectionnalité, se donne comme objectif justement de fusionner, de faire converger la lutte contre les différentes oppressions, pas seulement faire converger, mais essayer de faire comprendre qu'il y a des racines communes à ces oppressions. Alors, avec cette simple définition d'intersectionnalité, certains pourraient me dire, pas seulement ici, mais parfois aussi quand on fait une table, quand on fait une intervention à la fac ou dans une réunion syndicale, etc. Mais en fait, intersectionnalité et marxisme, c'est la même chose. Vous dites fondamentalement la même chose. Ou peut-être que le marxisme ajoute des choses. Donc le marxisme est peut-être complémentaire à l'intersectionnalité. Eh bien non. Je crois que l'objectif de cette réunion-ci, c'est d'expliquer que l'intersectionnalité n'est pas complémentaire au marxisme, que le marxisme n'est pas quelque chose qui s'ajoute à l'intersectionnalité. Parce que derrière ce simple constat de multiples oppressions, d'oppressions qui se recoupent, qui se combinent, qui se chevauchent, etc., derrière ça, il y a une explication plus théorique sur la nature des oppressions et sur les stratégies et les méthodes utilisées pour lutter contre les oppressions, qui sont, honnêtement, pas seulement pas marxistes, mais anti-marxistes, voire même réactionnaires, qui tendent à la division, à la fragmentation, à la séparation des mouvements contre les oppressions. Je donnerai quelques exemples assez hallucinants de cela tout à l'heure. Donc, il faut d'abord comprendre aussi que ces idées-là d'intersectionnalité, nous on les découvre, enfin moi je les découvre, et la plupart de nous on les a découverts les derniers mois, les dernières années. En fait, l'idée, même le concept d'intersectionnalité n'est pas si nouveau que ça. Donc il faut le replacer dans le contexte d'abord du monde anglo-saxon et en particulier les États-Unis. Après la vague révolutionnaire des années 60 et 70 aux États-Unis, on a vu le mouvement pour les droits civiques, on a le mouvement contre la guerre au Vietnam, on a le mouvement pour la libération des femmes, on a le mouvement après les émeutes de Stonewall, les mouvements des homosexuels contre la répression policière et contre leur discrimination. Mais la fin des années 70, tous ces mouvements-là sont entrés dans une impasse et n'ont pas réussi à gagner. Ces mouvements-là étaient fortement inspirés par toute une série d'idées qui faisaient référence au marxisme, mais des idées maoïstes, des idées trotskistes, des idées, d'autres idées d'extrême gauche qui nourrissaient le mouvement des années 60-70 aux États-Unis, dans le nationalisme noir, le Black Power Movement aussi. Mais tous ces mouvements-là n'ont pas abouti. Et on a vu, fin des années 70, début des années 80, le balancier qui allait fortement vers la gauche aux États-Unis retourner fortement vers la droite. Et on a assisté à une politique, enfin une période dont on est encore en grande partie aujourd'hui, mais qui a terminé il y a quelques années, au fait de contre-révolution idéologique aux États-Unis. Et cette contre-révolution idéologique, suite à la défaite de ces mouvements-là, suite au recul de ces mouvements-là, s'est manifesté tout d'abord dans les universités, dans les facs, dans tous les lieux de discussion intellectuelle, et sont passés en effet de mouvements qui, dans les années 60 et 70, mettaient l'accent sur le changement qu'ils appellent systémique de système. Après les années 70, on est à 80, toute une série d'idées se sont concentrées sur le fait qu'il fallait trouver les lieux de lutte et les lieux d'alternative dans les relations interpersonnelles, dans la culture, dans le social. Et dans tout ce qui ressemblait à analyse de système était rejeté. C'est une des sources d'ailleurs du postmodernisme qui nourrit aussi l'intersectionnalité. C'est surtout l'idée qu'il n'y a plus de place dans le monde des idées aujourd'hui pour des grandes explications. Il n'y a plus de place pour une lutte collective et une action collective autour de grandes idées de changement social. Les seuls changements possibles sont des changements individuels, personnels, interpersonnels. C'est ça un peu le résumé du postmodernisme. Philosophiquement, ce sont des mouvements qui s'inspirent de l'idéalisme philosophique. Idéalisme philosophique opposé très consciemment au matérialisme. Quand je dis très consciemment, il y a des textes là-dessus de gens qui se présentent comme post-marxistes. Évitez, ne croyez personne qui se prétend post-marxiste. C'est une autre façon de dire je suis anti-marxiste. Un post-marxiste, c'est un anti-marxiste. Un post-moderne, c'est un anti-moderne. Le langage universitaire est plein de pièges de ce type-là. Et à nous aussi, parfois de ruer un peu dans les brancards terminologiques et de dire « Oh mais j'ai lu Laclau et Mouffe, hein, qui sont les apôtres et les idéologues du populisme de gauche, hein, très à la mode dans certains pays, et qui expliquent aussi que les mouvements ou les oppressions sont des... Comment ils appellent ça, c'est des... ils existent en dehors de la réalité matérielle. Ils se disent ouvertement des gens comme Laclau et Mouffe. Et c'est ce typique raisonnement qui est derrière le courant intersectionnel. Lorsque on réussit à discuter un peu plus des intersectionnels, on découvre ce genre d'idées. Je voudrais aussi ajouter, c'est que je crois que quand on discute avec des jeunes, ou même des travailleurs qui viennent à la table, qui discutent avec nous et qui viennent nous dire « Ah, je suis intersectionnel », ne le tapez pas dessus tout de suite avec votre massue philosophique, parce que pour beaucoup de jeunes, prétendre être intersectionnel n'est pas prétendre être post-marxiste ou anti-marxiste ou idéaliste. Pour beaucoup de jeunes qui disent « je suis intersectionnel », c'est l'idée ben, « il faut unir toutes les oppressions, il faut faire converger les oppressions ». C'est ça que prétendent beaucoup de personnes quand elles disent « je suis intersectionnel ». Mais à nous d'aller plus loin dans la discussion et d'expliquer que derrière l'intersectionnalité, eux défendent, il y a toute une théorie qui est idéaliste, qui est anti-marxiste, voire même réactionnaire dans ses effets de division et de fragmentation du mouvement. Donc oui, les années 80, surtout dans le monde anglo-saxon, surtout dans les foyers universitaires, étaient celui d'une réaction idéologique contre les années 60 et 70, qui s'est manifestée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la montée du postmodernisme. C'était l'idée de, oui, on doit se concentrer sur l'individu et sur les sensations individuelles de la personne. Et le remède dans toutes ces formes d'oppression se trouve surtout dans la création de milieux, d'espaces où cette oppression n'existe pas. J'ai encore vu récemment des articles aux États-Unis où, je crois que c'est des blacks dans l'université qui demandent des lieux, des foyers, au fait, ou des restos séparés pour les blacks. Parce qu'ils veulent être en dehors d'un monde d'oppression. Ça veut dire sans présence de blancs. Mais ça découle, veut dire littéralement, de cette idée fallacieuse d'une conception totalement idéaliste derrière l'oppression. C'est que l'oppression est une sensation individuelle dans laquelle on peut se libérer en se plaçant dans d'autres espaces sans les oppresseurs qui sont les blancs. On viendra là-dessus plus tard aussi. Donc j'ai dit en effet que la réaction idéologique dans les années 80 a nourri ces idées-là, qui d'abord étaient des idées qu'on décrit aujourd'hui comme des idées... identitaire. C'est qui met extrêmement l'accent sur un aspect particulier de son identité personnelle, qui est perçu comme l'identité noire, l'identité homosexuelle, l'identité femme, etc. En fait, l'intersectionnalité, comme elle va se développer un peu plus tard dans les années 80, est aussi une réaction contre cet individualisme, cet identitarisme extrême, qui fait que, par exemple, dans les mouvements antiracistes, d'une série de femmes, des blacks, disent « Mais au fait, nous, on ne se reconnaît pas dans la direction masculine noire qui tend à trivialiser les problèmes des femmes noires. » Si vous lisez les textes sur les mouvements noirs des années 60, années 70 et puis des années 80, vous verrez que parmi un certain courant nationaliste noir identitaire, il y a l'idée de souligner très fortement la virilité de l'homme. La virilité de l'homme noir qui est menacée par le féminisme blanc. Si vous allez en France, il y a le mouvement... je pointe toi. En France, il y a ce mouvement, j'ai entendu parler des indigènes de la République. Le pire, c'est vraiment le pire, la partie des indigènes de la République. Il y a la porte-parole de ce mouvement-là, qui fait référence en effet aux aspects les plus réactionnaires et rances d'une politique identitaire et qui prétend, par exemple, si vous parlez d'homosexualité dans les banlieues, vous risquez de fragiliser, veut dire la masculinité, veut dire des jeunes mecs de banlieue. Donc, vous ne parlez pas d'homosexualité, et au contraire, vous repoussez ces idées-là des quartiers populaires, parce que ce sont des idées qui menacent la virilité des mecs dans les quartiers, c'est-à-dire qu'ils sont déjà menacés de toutes parts. Donc, dans les années 80, on est aux États-Unis, il y a des réactions contre cette tendance identitaire extrême, et qui va faire que certains autres académiciens vont développer l'idée d'intersectionnalité, qui vont dire, en fait, il y a des multiples oppressions, et on ne se reconnaît pas dans un mouvement antiraciste qui est exclusivement masculin à sa tête, et il faut aussi introduire des éléments de féminisme, entre guillemets, il faut introduire d'autres éléments d'oppression. Il y a une dame qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui a suivi toute une série de procès devant les tribunaux aux États-Unis, qui est une des premières à avoir parlé d'intersectionnalité, d'utiliser ce terme intersectionnalité. Elle réagissait face à une série de jugements des tribunaux qui refusaient de reconnaître l'oppression de femmes noires. Et le juge disait, elle est peut-être opprimée en tant que noire, et donc on peut faire un jugement antiraciste, elle est peut-être opprimée en tant que femme, mais elle n'est pas opprimée, disait le tribunal, il n'est pas question d'oppression en tant que femme noire. Et c'est à ce moment-là que cette professeure de droit et d'origine afro-américaine a utilisé le concept d'intersectionnalité. Mais elle-même aussi, elle était engluée, au fait, dans ces concepts idéalistes, et plus tard va développer l'idée que si les juges ne réussissent pas à comprendre ces multiples formes d'oppression, c'est fondamentalement parce que on les a mal cadrées, ou que les lois sont mal cadrées. Il y a un problème de cadrage juridique, il y a un problème de cadrage idéologique. Et donc, il suffirait de changer les idées, de changer le cadre légal et de penser des juges pour que le système judiciaire prenne beaucoup mieux en compte les différentes formes d'oppression. Et là, on arrive à un des nœuds problématiques de l'intersectionnalité, c'est qu'il met extrêmement l'accent sur les idées. Elle a pensé. Je veux dire, mais les marxistes font la même chose. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on comprend l'énorme importance des idées. On comprend que les idées peuvent être une force matérielle, surtout quand elles s'emparent de la conscience de milliers de travailleurs. Oui, mais il y a une différence entre cette conception matérialiste des idées et la conception idéaliste de l'importance des idées. Je crois qu'il faut souligner cela. Leur conception d'idées, c'est que les idées, au fait, ne sont pas une fonction de la société. Les idées sont fonction d'autres idées. Les idées ne sont pas fonction d'intérêts. Ou plutôt, elles placent ces intérêts chez d'autres individus et d'autres personnes, mais pas dans des structures économiques, pas dans des structures sociales ou des structures politiques. Ce qui fait aussi que les intersectionnels sont assez obsédés par le langage. Vous verrez ça. Enfin, on a déjà eu cette discussion dans d'autres lieux. L'importance qu'attachent certains intersectionnels à ce qu'on appelle l'écriture inclusive ou le langage inclusif. Naturellement, nous, en tant que marxistes, on doit, aussi bien dans nos documents que dans nos discussions individuelles ou publiques, naturellement, utiliser un langage correct. on doit utiliser des concepts corrects. On ne doit pas utiliser des concepts ou des mots qui blessent, qui injurient. On doit faire très attention à cela. Mais une chose, c'est de faire attention à ne pas injurier, ne pas insulter toute une série de personnes, ou de personnes qui sont opprimées. Autre chose, c'est de penser qu'en changeant la langue, et quand on parle d'écriture inclusive, il s'agit surtout de changer toute une série de règles de grammaire pour y introduire l'égalité de genre. C'est en changeant la langue, eux pensent pouvoir, ou elles pensent, changer la réalité de la situation de la femme en particulier, que nous, on rejette. Enfin, on ne doit pas rejeter ça. Je veux dire, c'est une réalité. Ce n'est pas en appelant quelque chose différemment que la réalité de l'oppression va se modifier. Il n'est pas question de cela. Donc, nous, on ne nie pas l'importance des mots. On utilise aussi certains concepts à la place d'autres concepts. On se bat contre certains concepts aussi. Par exemple, sur la question féminisme, c'est un concept qu'on n'utilise pas, dans nos documents pour décrire notre vision de l'émancipation de la femme. C'est un concept qu'on combat. Comme d'autres concepts, il y a le concept qui vient aussi des États-Unis, c'est le concept de raciser, pour désigner en fait les personnes d'origine immigrée ou étrangère. Au Canada, on les appelle racisés. En France, on les appelle les racisés. J'ai découvert ça aussi il y a quelques années en Belgique. Un jeune quartier populaire qui me disait, quartier immigré, mais je suis racisé. Évidemment, je ne sais pas ce que ça veut dire, racisé. Et j'ai lu récemment une interview intéressante d'un historien du mouvement ouvrier français qui explique comment est arrivé au concept de raciser. Il explique dans les années 60 et 70, en France, un jeune d'origine algérienne ou marocaine était considéré comme un jeune travailleur immigré ou un ouvrier immigré. Après, c'est venu un beurre, c'est venu un banlieusard. Maintenant, c'est venu un racisé. On a eu cette discussion avec des camarades canadiens il y a quelque temps qui utilisaient aussi un peu ce terme-là. D'autres camarades, parfois, qui, sans connaître l'histoire de ces mots-là, utilisaient ce mot-là aussi. Mais je crois qu'il faut bannir ce mot-là, comme d'autres mots de notre vocabulaire. Pourquoi ? Parce que le terme racisé, surtout si on connaît l'histoire, il vient de travailleur immigré à racisé. Mais c'est un concept où la classe, l'origine de classe a disparu. Et ce qui est mis en avant, c'est la race, entre guillemets. La race qui le concept de race est combattu, était balayé par les scientifiques et aussi balayé par les marxistes. On ne retenait pas l'idée d'une race particulière, sauf celui de la race humaine. Mais c'est quelques exemples pour montrer que nous, oui, certes, on attache une importance au combat lexical, au combat sur les mots, les concepts, mais on le fait de façon très différente des idéalistes intersectionnels qui s'imaginent qu'en changeant, au fait, les mots, le vocabulaire, certains concepts, on va pouvoir changer la réalité et les rapports entre les personnes. Donc, leur idéalisme, et encore d'une variante particulière, ce qu'on pourrait appeler l'idéalisme subjectif, ils attachent une extrême importance, c'est-à-dire à la subjectivité, à l'expérience personnelle. Dans les discussions que moi ou d'autres ont eues et des intersectionnels, on nous répond souvent « Oui, mais vous, les marxistes, vous croyez comprendre notre oppression, la nôtre. Je suis un black, tu ne peux pas me comprendre. Et tout ce que tu me dis, c'est arrogant. Tu ne peux pas penser ce que je pense. D'ailleurs, tu n'as rien à dire sur mon oppression. » Eux pensent, et c'est développé aussi, pas naturellement de cette façon aussi explicite. Ils ne vont pas dire « Je suis un idéaliste subjectif. » Non, ils ne vont pas dire ça. Mais ils vont dire « Non, en fait, tu ne peux pas me comprendre. Je suis le seul à comprendre mon oppression. » On n'est pas arrogant, on n'est pas prétentieux. Je ne vais pas dire que je peux me mettre totalement à la place ou dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais on peut le comprendre, on peut donner une explication, il ne faut pas être... la médecine s'est développée. Les bons médecins, par exemple, ce n'est pas les médecins qui ont expérimenté toutes les maladies qui existent au monde. Non. Voilà. D'ailleurs, il faudra avoir évité d'avoir vécu toutes les maladies du monde pour être un bon médecin. Donc l'idée, c'est n'est pas un bon médecin celui qui était malade de 15 ou 20 maladies principales de l'humanité. Et donc c'est une erreur de penser ça. Naturellement, le médecin comprendra que la seule personne qui peut sentir sa douleur, c'est le patient. Mais il peut y avoir une approche scientifique de la maladie, il peut y avoir une approche scientifique de l'oppression, et aussi une approche scientifique de quelqu'un qui n'est pas black, qui n'est pas homosexuel, qui n'est pas dans ses multiples oppressions, peut comprendre, et peut donner une analyse, et peut proposer des stratégies de changement. Quand je parle de subjectivisme et d'idéalisme, mais je vais vous donner un autre exemple de l'expérience à Bruxelles. Il existe à Bruxelles un groupe qui s'appelle Nouvelle Voie Anticoloniale. En soi, c'est un groupe intéressant. C'est des jeunes très révoltés qui veulent lutter contre l'héritage colonial qui pollue encore les livres d'histoire, les commentaires de journalistes, d'hommes et de femmes politiques, les statues dans le paysage urbain, etc., etc. Mais ils ont commencé à se former comme un groupe qu'ils appellent non mixte. Ça veut dire rien qu'avec des jeunes musulmans d'origine maghrébine ou des noirs. Puis ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les seuls opprimés à Bruxelles, pas les seuls à subir la discrimination. Et ils ont une discussion interne pour savoir, et de là l'idée subjectiviste et d'idéaliste, une discussion interne pour savoir s'il fallait accepter des latinos. Parce que les latinos, oui, les latino-américains, les colombiens, les chiliens, les péruviens, les équatoriens, il y en a beaucoup à Bruxelles, ils souffrent énormément de discrimination, d'exploitation. Donc, ce serait des alliés pour le groupe Nouvelle Voie Anticoloniale, mais ils ont un grand défaut. La plupart sont chrétiens, cathos ou protestants. Donc, ils font partie du groupe d'oppression aussi. Alors ils ont décidé, on ne peut pas les faire rentrer, dans notre groupe. Ils ont même discussion avec les Asiatiques. Qu'est-ce qu'on fait avec les Asiatiques? Les Asiatiques, ils sont peut-être blancs, entre guillemets, ou jaunes, mais ils sont aussi opprimés, mais ils sont chrétiens. Et donc, de fil en aiguille, en fait, ils ont dit, la solution c'est quoi? C'est créer un groupe non mixte pour les latinos. Un groupe non mixte pour un autre groupe d'oppression, et surtout ne pas accepter les blancs dans leur propre groupe. Et je vais ajouter une autre chose. Ça ne va pas faire rigoler quand j'ai entendu ça, mais ça force un peu à rigoler. Ils ont eu la discussion s'il fallait accepter des blancs récemment convertis à l'islam. Comme ils sont musulmans, ils font partie du groupe opprimé, mais comme ils ont été non-musulmans dans le passé, si on les fait rentrer dans notre groupe, ils risquent inconsciemment d'introduire les mécanismes d'oppression de notre groupe. Donc, comprenez, de cette façon-là, on voit très concrètement comment ces idées, qui leur paraissent très radicales, parce que c'est des jeunes très radicaux, c'est des jeunes qui n'ont pas peur d'affronter la police, la répression, etc. Mais en fait, ce sont des idées qui fragmentent le mouvement, qui divisent, qui morcellent, qui atomisent le mouvement. Et donc, il n'y a qu'un mot pour ça, ce sont des idées réactionnaires. Donc, je ne vous conseille pas tout de suite, si un jeune vient à une table expliquer ça, de l'assommer tout de suite, t'as un réac, il ne comprendra pas. Enfin, dans nos méthodes de discussion et des intersectionnalistes, il s'agit d'abord d'avoir en tête qu'on veut convaincre des gens. Il faut d'abord expliquer nos idées. Et surtout expliquer à quoi aboutissent leurs idées. Lié à ça, c'est aussi les idées de... Si vous avez entendu parler de cela, la théorie des privilèges. La théorie des privilèges de couleur. White skin privilege. Je dis en anglais parce que c'était importé du monde anglo-saxon aussi. C'est l'idée, au fait, que les Blancs, par exemple, ont un intérêt intrinsèque au racisme. Donc les Blancs bénéficient davantage de l'oppression, par exemple, de la population noire aux États-Unis. Ils appellent ça même une dividende de couleur. Ça fait froncer, je vois, certains camarades. Mais ce sont des idées qui sont vivaces aux États-Unis, qui sont vivaces dans une partie de ce mouvement-là, et qui fondamentalement expliquent que, au fait, si je suis opprimé, il y a certainement quelqu'un à côté de moi qui est mon oppresseur. Et donc, un noir catho est un opprimé oppresseur, parce qu'il opprime par sa affiliation religieuse, qui fait partie de la religion dominante, qui opprime les musulmans, est un opprimé oppresseur. Tout le monde est l'oppresseur de quelqu'un. Et tout le monde est l'opprimé aussi de quelqu'un d'autre. Vous voyez, dans ce genre de raisonnement, de théorie des privilèges, qui veut dire que tu bénéficies, en tant que blanc en particulier, de privilèges que tu n'aurais pas si tu n'étais pas noir. Au fait, ils confondent toute une série de choses. Ceux qui sont les adeptes de théorie du privilège vont nous dire « Oui, mais en fait, les travailleurs immigrés ont des mauvais boulots, ils gagnent moins que le reste de la population ouvrière. Et donc, si le reste de la population ouvrière gagne plus, a des meilleures, entre guillemets, conditions de travail, c'est parce que c'est les Noirs et les immigrés c'est l'oppression des Noirs ou des immigrés dans l'usine qui fait que vous gagnez plus et que vous avez meilleures conditions de travail. Ce qui est, au fait, confondre privilège et droit. Ce n'est pas un privilège, en tant qu'ouvrier, de gagner plus que quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas parce que vous gagnez plus que l'autre gagne moins. Il n'y a pas de vase communicant entre les deux. Et donc, les théoriciens du privilège, mais au fait, divisent, en plus, veut dire les travailleurs, et se donnent l'objectif de dire, au fait, il faut essayer de convaincre le blanc, ou le catholique, par exemple, ou le chrétien, ou celui d'une autre religion, que les avantages, entre guillemets, dont il ou elle bénéficie, mais c'est grâce à mon oppression. C'est grâce à mon bas salaire. Et au fait, si vous expliquez ça en usine, le patron, il serait content. Parce que le patron, il n'est plus. Il n'existe pas. Dans cette green analyse, il n'existe pas. Ou il existe, oui, en tant qu'individu, mais pas en tant que représentant d'une classe dominante. Donc ce sont les idées qui divisent à la place d'unir le mouvement contre les oppressions. Alors nous, ce qu'on fait en tant que marxiste par rapport à l'intersectionnalité, c'est introduire l'élément de classe. Vous allez dire, oui, mais les intersectionnels, ils parlent aussi de classe. C'est vrai, ils parlent aussi de classe. J'entends des jeunes à Bruxelles qui me disent, oui, mais Eric, nous aussi, la lutte des classes, c'est important pour nous. Oui, mais en fait, ils placent classe à côté de toutes les autres oppressions. Ils les ajoutent à la liste, comme une autre oppression. D'ailleurs, souvent, quand ils parlent et ajoutent classe aux oppressions, ils ne donnent pas le même contenu que nous à oppression de classe. Nous, on parle d'abord d'exploitation de classe, qui est encore une notion différente, liée naturellement, mais différente, à la question de l'oppression. L'exploitation, c'est le résultat direct de la position du travailleur dans le mode de production. C'est le résultat direct de l'extorsion de la plus-value par le patron. C'est le résultat direct du rapport inégal entre une classe ouvrière et une classe capitaliste, entre une classe possédante et une classe qui ne possède pas les moyens de production. Souvent, quand les intersectionnels parlent de classe, ils ne font pas référence à ça, ils ne font pas référence à la définition marxiste de classe, mais ils font plutôt référence à mépris social, mépris de classe. La haute qui méprise ceux d'en bas. Les intellectuels qui méprisent les manuels. Les plus qualifiés qui méprisent les moins qualifiés. C'est plutôt ça, le contenu qu'ils donnent à classe. Donc ce n'est pas notre concept de classe. Nous, quand on parle de classe, on lui donne une place centrale dans la lutte contre toutes les oppressions. Pourquoi ? On nous rétorque parfois, oui, mais au fait, vous pensez que l'oppression de classe, c'est la pire forme des oppressions, et vous ne comprenez pas nos oppressions, etc., etc. Nous, quand on parle de classe, on ne veut pas dire que l'oppression de classe, et qu'on lui donne surtout une place centrale dans la lutte contre les oppressions, on ne dit pas que l'oppression de classe est la pire des oppressions. On ne dit pas non plus que c'est la première des oppressions. On ne veut pas non plus, on va dire, mépriser les autres oppressions. On veut dire, quand on parle de la centralité de la question de classe, on ne veut pas non plus se montrer indifférent face aux autres souffrances générées par la multitude d'oppressions. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'ajoute pas simplement classe à toute la liste des oppressions. Non, vous avez oublié classe. Non, ce n'est pas une question, vous avez oublié classe. On lui donne une place centrale. Pourquoi ? Pour une raison très simple, parce qu'on croit que c'est la société de classe, dans la société capitaliste, qui structure, qui détermine toutes les autres formes d'oppression, de genre, de race, et allez-y. Et donc, c'est la classe qui structure toutes les autres oppressions, et aussi c'est la classe qui donne l'opportunité, qui donne la possibilité d'unifier toutes les oppressions dans une lutte commune pour changer la société qui est à l'origine de toutes ces oppressions. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important de souligner cela. Beaucoup de jeunes, et je les comprends, et je ne jette pas la pierre, qui se réveillent les dernières années à l'action politique, qui sont indignés par les discours de Trump, indignés par le racisme, par l'homophobie, etc., ont très peu d'expérience de lutte de classe, ne savent pas ce que c'est la classe ouvrière. Et je crois que c'est à nous aussi d'expliquer ce qu'est la classe ouvrière. Beaucoup d'intersectionnels, quand nous on parle de lutte interraciale, de convergence des oppressions, viendront avec une multitude d'exemples où la lutte, on va dire, interraciale, ou la lutte commune de blancs et de noirs, ou la lutte commune d'homosexuels et d'hétérosexuels, ou la lutte commune d'hommes et de femmes, n'a pas marché. Ils viendront, ah, mais ça ne marche pas, ça ne va pas, et celui-ci, etc. Ils ont une très forte tendance à une sorte de négation historique. Il y a une tendance à... ça va être intéressant. Une tendance à ne pas mettre en avant tous les exemples concrets et positif de lutte commune entre différents secteurs opprimés, dans la société. Et il y a de nombreux exemples qui prouvent que ce n'est pas, au fait, par le simple discours ou le changement de langage ou par la conscientisation individuelle des gens, des personnes, qu'on pourra surmonter les préjugés qui existent dans la société. On va nous rétorquer, oui, mais les travailleurs, ils sont aussi racistes. Ah, je connais pas mal d'ouvriers, de dire à l'autre, qui sont misogynes, pas mal d'ouvriers qui battent leurs femmes, pas mal d'ouvriers qui reproduisent toute une série d'idées dominantes. Est-ce qu'ils ont tort ? Non, ils n'ont pas tort. C'est évident, cette société-ci, la classe dominante ne survit pas simplement par la répression. Elle survit parce que toute une série de personnes, et en premier lieu dans le mouvement ouvrier, dans la classe ouvrière, reprennent les idées dominantes. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les idées dominantes. C'est les idées de la classe dominante sont les idées dominantes dans une société. Et beaucoup de travailleurs intériorisent toute une série de préjugés racistes, misogynes, homophobes, etc., etc. Mais comment ces idées peuvent disparaître? Comment ces idées peuvent être nettoyées des esprits des travailleurs? Certains mettront en avant le, comme je dis tout à l'heure, un travail de conscientisation. Nous, on met en avant autre chose. C'est la lutte commune et l'expérience commune. Il y a cette fameuse phrase de Marx dans l'idéologie allemande où il explique la nécessité, oui, pour pouvoir changer la société, il faut changer l'homme. L'homme, l'être humain, l'homme et la femme. Et beaucoup d'intersectionnels idéalistes subjectifs diront, avant de pouvoir changer la société, avant de pouvoir mettre fin aux oppressions, il faut changer les mentalités. Vous allez dire, mais c'est ce qu'on fait aussi en tant que marxiste. Naturellement, on ne serait pas ici si on ne croit pas dans l'énorme importance de changer la conscience des gens. Mais on sait aussi qu'il y a des limites. Ce que la parole, ce que la lecture, ce que la discussion individuelle peut obtenir pour changer la mentalité des gens. Qu'est-ce qui change fondamentalement la mentalité des gens? C'est la lutte, c'est l'expérience commune et c'est la pratique. Et Marx a bien résumé ça. Dans l'idéologie allemande, il dit « Une transformation massive des hommes s'avère nécessaire pour la création en masse d'une conscience communiste. Une telle transformation ne peut s'opérer que par un mouvement pratique, je souligne pratique, par une révolution. » Là, les petits bourgeois vont nous dire, intersectionnels, « Ah, mais vous voulez attendre la révolution ?» Non, on ne veut pas attendre la révolution. On croit que toute lutte, même la plus petite lutte, est une expérience, est en fait une révolution. Une petite grève, une grande grève, c'est une révolution. Dans la tête des gens, par rapport au patron, c'est une révolution. Il continue, « Cette révolution n'est donc pas seulement rendue nécessaire parce qu'elle est le seul moyen de renverser la classe dominante, elle l'est également parce que seule une révolution permettra à la classe qui renverse l'autre de balayer toute la pourriture du vieux système qui lui colle après et de devenir apte à fonder la société sur des bases nouvelles. » Alors, il y a de nombreux exemples de l'histoire européenne récente qui illustrent ces propos de Marx. Il y a par exemple la grève des mineurs britanniques, 84-85, c'est un exemple que je donne régulièrement. Enfin, le syndicat des mineurs, NUM, National Union of Miners, avait un journal syndical, et à la page 3, comme dans tous les journaux, les quotidiens à sensation, la page 3 du journal du syndicat des mineurs était une photo d'une femme demi-nue, the page 3 girl, la fille de la page numéro 3. Les féministes avaient mené une campagne pendant des années et des années pour demander, au fait, au syndicat des mineurs d'enlever cette page. Les mineurs ont soulevé les épaules, dit « Non, on ne va pas faire ça, ça fait partie de notre culture. Vous ne connaissez pas la dureté du travail et on a besoin de voir des femmes nues, ou demi-nues. » Quand il y a eu le mouvement des mineurs, la grève qui a duré pendant un an, 84-85, dans laquelle beaucoup d'épouses de mineurs se sont impliqués, dont beaucoup de sœurs, de filles, de mamans, de grand-mères se sont impliquées, les mineurs ont vu de leurs propres yeux que leurs préjugés vis-à-vis de leurs compagnes, leurs filles, leurs mamans étaient extrêmement néfastes au succès de la lutte et ont eux-mêmes pris l'initiative de ne plus reproduire cette page three girl dans leur journal ou dans leur conversation, etc., avec les femmes. Et c'est par une expérience commune, comme ça, que toute une série de préjugés ont été balayés de la tête, cette fameuse pourriture dont parle Marx, qui colle, à la peau de l'être humain qui est né, qui est construit dans cette société, de cette façon-là que ces préjugés peuvent commencer à disparaître. Je crois que donc, la classe ouvrière, pour nous, dans sa définition large, pas seulement travailleur manuel et industriel, mais le salariat est le socle commun sur lequel peuvent s'unir toutes les luttes contre toutes les formes d'oppression. Ça veut dire aussi que le mouvement ouvrier doit se donner l'objectif aussi d'assumer la lutte contre toutes ces oppressions. Mais il y a une partie du mouvement ouvrier qui ne l'assume pas, une grande partie du mouvement ouvrier qui ne l'assume pas, qui se limite à un travail syndical, économiste, qui dit ben ça c'est pas notre boulot. Je crois que c'est notre rôle dans le mouvement ouvrier, dans les organisations du mouvement ouvrier, de dire non, c'est la tâche, c'est la responsabilité du mouvement ouvrier de prendre en charge ces luttes, pas pour accepter tous les préjugés intersectionnels qui existent, pas pour tolérer toutes les petites bourgeoises idéalistes, mais pour les combattre, mais pas seulement en parole, mais en prenant le devant dans la lutte, c'est-à-dire contre le racisme, par exemple. Moi, ce qui me désole quand je vais à des manifestations antiracistes, c'est de voir aussi peu de représentants du mouvement ouvrier présents lors de ces manifestations. Alors, je comprends des jeunes qui disent « Les syndicats, c'est pas pour nous. Les syndicats, c'est pour les privilégiés. » C'est pas vrai, naturellement. Mais on peut les comprendre, parce qu'ils voient pas suffisamment le mouvement ouvrier à leur côté, ou même prendre l'initiative dans la lutte, c'est-à-dire contre le racisme, ou contre la misogynie, ou d'autres formes d'oppression. Et donc, je crois que c'est la responsabilité du mouvement ouvrier de prendre ces oppressions en charge, mais de les unir, les faire converger dans une lutte commune contre le capitalisme. Découle aussi de ces idées intersectionnelles toute une série d'autres mesures, propositions, qui pour nous sont des mesures, au mieux sont des mesures bidons, au pire c'est des mesures qui divisent encore plus le mouvement. J'ai parlé tout à l'heure de la non-mixité. C'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire. En France aussi, une partie de l'appareil d'État, du régime, attaque les mouvements non-mixtes et va les rendre plus populaires. De cette façon-là, je le crains. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'idée, j'ai souligné tout à l'heure, l'exemple du groupe Nouvelle Voie Anticoloniale. C'est l'idée qu'en fait, les femmes doivent s'organiser en tant que femmes et séparément des hommes, parce que si vous êtes un homme à une réunion de femmes, vous allez, même si vous êtes très conscient de l'importance de l'émancipation des femmes, vous allez inconsciemment opprimer les femmes. C'est ça l'idée, veut dire derrière la réunion non mixte. C'est une conception assez essentialiste de l'être humain. C'est tu es, tu as une peau blanche, tu as une sexualité bien particulière, donc tu vas automatiquement opprimer les autres. Pour la petite histoire, avant que paraisse l'article de Jessica Castle, camarade canadienne, on avait écrit en Belgique un article sur intersectionnalité, et je me suis fait plaquer tout de suite par une féministe petite bourgeoise. En soi, pas de problème. Mais elle me dit, au fait, Eric, tu penses et tu écris ce que tu viens d'écrire parce que tu es un cis-man. Moi, je ne savais pas ce que c'était, un cis-man. Hein? C'est quelqu'un, dont la sexualité correspond à son sexe biologique, enfin, plus ou moins. Et donc, elle me dit, au fait, c'est pas vraiment. En fait, tu penses comme ça parce que tu es hétérosexuel. Et j'ai dit, d'abord, je ne m'affiche pas nécessairement d'une façon ou d'une autre, mais d'abord, comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Hein? Et oui, et alors? Mais c'est l'idée, l'idée derrière cette non-mixité, c'est de. Il y a des gens qui peuvent, malgré toutes leurs bonnes intentions, ils ne peuvent pas nous comprendre. Et surtout, ils font partie de l'oppresseur et du système qui nous opprime. Et donc la non-mixité, c'est quelque chose aussi qu'il faut combattre, mais de façon intelligente. À Bruxelles, mais dans d'autres pays aussi, à l'occasion du 8 mars, la journée internationale de la femme travailleuse, la femme de la classe ouvrière, il faut ajouter cela à chaque fois. Ce n'est pas la journée internationale de la femme style ONU, hein, le 8 mars dans les traditions, ce n'est pas ça. C'est la journée de la femme socialiste, la femme de la lutte des classes. Mais on voit à Bruxelles, par exemple, des manifestations uniquement pour des femmes. Et il n'y a pas question qu'un homme se présente là, même s'il est d'accord avec toutes les revendications. Même chose avec avec les certaines manifestations antiracistes. On ne veut pas de blancs à nos manifestations. Et donc je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement réac. C'est une sorte de séparatisme qui est introduit, veux dire, dans la lutte. Comme les camarades mexicains, avant l'été, est intervenu souvent dans les manifestations contre la vague de violence contre les femmes qui déferle sur le Mexique, qui prend vraiment la proportion d'un féminicide. Et plusieurs camarades féminines et camarades femmes se sont fait repousser des manifestations femmes. Ah non, vous faites partie d'une organisation où il y a aussi des mecs. Alors, vous n'avez pas la place chez nous. Et nos propres camarades masculins qui voulaient intervenir se sont fait repousser physiquement dans ces manifestations. On n'a pas le droit de venir à nos manifestations. Et c'est ces progressistes ou ces réactionnaires, enfin, poser la question, c'est y répondre. Je crois que c'est extrêmement réactionnaire, je veux dire, comme développement. Il y a aussi l'idée des quotas, c'est de travailler à la représentation, une meilleure représentation de femmes ou de personnes de couleur dans les organisations syndicales ou dans toute la société. Naturellement, oui, on est pour qu'il y ait beaucoup plus d'hommes, de femmes de couleur, plus de femmes qui participent au mouvement ouvrier, qui participent dans leurs propres organisations. On veut plus de femmes et plus d'immigrés à la tête de nos organisations, etc., etc. Mais pas de façon artificielle, pas des systèmes de quotas. D'ailleurs, ce n'est pas parce que quelqu'un a un sexe bien particulier ou une couleur bien particulière de peau qu'elle sera nécessairement plus à gauche ou plus révolutionnaire ou même défendra mieux les gens de son propre genre ou de sa propre couleur. Ce ne l'est pas. Les camarades anglais me disaient il y a quelque temps qu'à l'université SOAS, l'université des études orientales et africaines, la première rectrice noire, qui est toujours la rectrice d'aujourd'hui, oui, je crois qu'elle est toujours rectrice aujourd'hui, mais c'est celle qui s'était opposée de façon la plus virulente aux grèves du personnel de nettoyage qui revendiquait au fait d'être réintégré, de ne plus être sous-traité, mais de réintégrer dans l'université sous un statut public. Donc, à quoi nous sert une femme noire à la tête d'une université si elle combat les revendications des femmes nettoyeuses de couleur, dont beaucoup n'ont même pas de papier? Ça ne nous sert à rien. Donc, quand on parle de couleur, quand on parle de sexe, on parle d'abord d'idées et de programmes politiques. Il y a aussi d'autres... oui, la parité aussi, c'est lié aux quotas. On est contre les quotas artificiels, on est contre la parité comme elle est imposée, on est contre cette idée de non-mixité, c'est-à-dire qui sont des propositions bidons qui ne changent rien fondamentalement à la réalité des femmes ou des travailleurs, travailleurs immigrés. Change rien du tout. J'ai combien de temps encore? 2 minutes. Ah oui. Et donc, je crois que toutes ces idées-là, elles sont le résultat, naturellement, de la crise du système, d'une réaction contre la crise du système. Surtout, le fait que le mouvement ouvrier et la direction officielle du mouvement ouvrier est réformiste ou stalinienne, et n'offre pas d'alternative, elle n'offre pas d'issue, et même, je dirais même pire, elle repousse toute une série de jeunes radicalisés qui confondent direction et mouvement ouvrier eux-mêmes, qui disent ben, si c'est ça le mouvement ouvrier, ça ne m'intéresse pas le mouvement ouvrier, il est passif, il ne m'aide pas, au contraire, il me sabote, etc. À nous aussi d'expliquer que la seule solution, je veux dire, pour mettre fin à toutes ces oppressions, ce n'est pas la ligne réformiste, ça inclut la lutte contre les lignes réformistes dans le mouvement ouvrier, dans le Parti socialiste, dans le Parti communiste, dans le mouvement syndical, et la lutte pour une politique révolutionnaire. Et je voudrais terminer, en fait, avec une citation de Lénine, qui, dans le livre « Que faire ?», combat les économistes ou les économicistes qui réduisent la conscience et la tâche politique des sociaux-démocrates de l'époque, les marxistes de l'époque, simplement à la lutte économique. Et Lénine, et si on lit ça à des jeunes qui sont dans tous ces mouvements-là, ils vont être surpris quand ils vont lire que Lénine était le précurseur de la lutte contre toutes les oppressions. Il dit par exemple, dans Töpffer, le social-démocrate ne doit pas se avoir comme idéal le secrétaire du syndicat. Donc, l'idéal du marxiste n'est pas devenir secrétaire syndical. Ce n'est pas de son horizon. C'est moi qui ajoute ça. Le social-démocrate doit être le tribun populaire, sachant réagir contre toute manifestation d'arbitraire et d'oppression. Donc, je répète, il doit être capable de réagir contre toute manifestation d'arbitraire et d'oppression, où qu'elle se produise, quelle que soit la classe ou la touche sociale qui est à en souffrir. Et il ne parle pas seulement de la classe ouvrière, mais toutes les autres classes sociales ou touches sociales qui souffrent d'oppression doivent être repris dans la lutte du marxiste. Le marxiste ne doit pas se limiter à la lutte simplement des ouvriers. Il va plus loin. Le social-démocrate doit pouvoir généraliser tous ces faits pour en composer un tableau complet de la violence policière et de l'exploitation capitaliste, sachant profiter de la moindre occasion pour exposer devant tous ses convictions socialistes, ses revendications démocratiques, pour expliquer à tous et chacun la portée historique et mondiale de la lutte émancipatrice du prolétariat. Donc le prolétariat, la classe ouvrière, ne se donne pas seulement comme tâche d'émanciper la classe ouvrière en tant que classe, mais elle se donne comme tâche d'émanciper toute l'humanité. Je crois que c'est extrêmement important de souligner ça. Toute l'humanité. C'est-à-dire le socialisme, c'est la lutte pour libérer, en effet, toute, pas seulement la classe ouvrière, mais l'humanité tout entière de toutes les formes d'oppression. Est-ce que le socialisme va pouvoir balayer tout de suite, immédiatement, toutes ces oppressions séculaires? Non. Mais elle va créer les conditions pour combattre, pour éliminer ces oppressions séculaires. Elle va créer les conditions, en effet, pour une multitude de révolutions culturelles. Ça ne fait aucun doute. Ça va créer les conditions juridiques, légales, mais d'abord et surtout matérielles, pour que les gens ne souffrent plus de toutes ces maladies, causées par, pas seulement par le capitalisme, mais causées par une histoire séculaire de société de classe. Trotsky, quand il parle, il mène son combat juste après la Révolution sur le thème de l'art et de la culture, et il réagit fortement face à l'idée de la prolétkult, la culture prolétarienne. Il dit que l'objectif des socialistes et marxistes n'est pas de créer une nouvelle culture de classe. Ce n'est pas de créer une nouvelle culture de la classe ouvrière, parce que quand on parle de classe, on parle d'oppression. Et l'objectif des marxistes à la Révolution, c'est de créer et de créer les conditions pour l'épanouissement d'une véritable culture humaine qui est libérée de toutes ces mutilations séculaires que subissent les hommes et les femmes sur cette planète. Et je crois que la discussion sur l'intersectionnalité et le marxisme a ça comme horizon. C'est l'émancipation humaine. Merci.